Au sport, le 16 décembre. Dans la Ligue de basketball Benjamin masculin Division 3, Louis Saint-Laurent visite École L'Odyssée à 18h.